Je ne suis qu'un soldat crasse, affamé, peureux, désertant le front, le bruit du canon. La vieille m'a ouvert sa maison, ranimé le feu, nourri d'un jambon, sans aucune question. Elle me parle une langue étrange, fait des signes pour que je mange. La guerre tord plus au loin, mais elle lui a pris tout le sien. Elle fait au fond d'une mansarde un lit propre et frais. Elle me débarrasse de mes pauvres hardes et je dors en paix. Je fais donc un chaud manteau, bonne chaussure et un tricot. C'était à l'homme sur la photo, à l'air fier, portant beau matin. Elle dresse un festin sur la table, elle sert le café en me souriant. Mais du lait fraîchement tiré de l'étable, j'ai soudain honte d'être vivant. Rentre en petit tube en, et là dans la banque, la mienne.